Cette apothéose de la femme, qui est le trait original de la société en Amérique, est d'abord et surtout l'apothéose de la jeune fille. Ces mots si simples sont encore deux mots à traduire, car il est probable que sur tous les points, en réservant bien entendu celui de l'honneur, ils expriment exactement le contraire aux États-Unis et en France. Ce qui frappe tout d'abord le voyageur qui a tant entendu parler de ces jeunes filles américaines, c'est l'impossibilité absolue de les distinguer des jeunes femmes. Le fait, si commenté, qu'elles aillent et viennent toutes seules ne suffirait pas à établir cette confusion. L'identité va plus loin. Elles ont les mêmes bijoux, les mêmes toilettes, la même liberté du rire et de la parole, les mêmes lectures, les mêmes gestes, la même beauté déjà tout épanouie. Et grâce à l'invention du chaperon, il n'y a pas une partie de théâtre ou de restaurant, pas un thé où elles ne se rendent toujours seules et sur l'invitation de n'importe quel homme de leur connaissance. La qualité de cette surveillance officielle est mesurée par cet autre fait que la jeune fille en l'honneur de laquelle le bachelor organise une partie choisit d'ordinaire ce chaperon elle-même. Plus ce chaperon est jeune, plus il est apprécié. La jeune veuve et la grass widow, la jeune femme séparée, divorcée ou simplement isolée de son mari momentanément, remplissent les conditions idéales du rôle. Autant dire que ces jeunes filles, assises chez Delmonico, en compagnie de trois jeunes gens et du dit chaperon, ou qui s'en vont prendre le thé chez un autre jeune homme, sont aussi libres que si elles n'avaient personne pour répondre d'elles qu'elles-mêmes. Cette habitude de se gouverner sans contrôle se manifeste par cette assurance singulière de leur physionomie. Un des hommes les plus aimables de New York, et qui est un poète, a eu l'idée de se composer un musée de miniatures, où il a fait figurer, avec leur permission, toutes les beautés professionnelles de sa ville. Je me souviens qu'en examinant à la loupe les vitrines sous lesquelles sourit cette centaine de jolis et fins visages, je cherchais à deviner ceux sur qui le mariage avait passé, et je ne le pouvais pas. Que leur apportera-t-il en effet de plus quand il viendra? Des devoirs, un mari à subir, des enfants à soigner, une maison à tenir. Aujourd'hui, la jeune fille n'a le poids d'aucune de ses chaînes. Elle le sait, et qu'elle jouit de son temps le meilleur. Elle ne gagnera pas une liberté une fois mariée, et elle aura moins d'occasion de se divertir. Aussi, la plupart du temps, se marie-t-elle tard, si ce n'est pas tout à fait une fin pour elle, comme pour le jeune homme de Paris, qui se décide à rompre avec sa vie de garçon, c'est un petit commencement d'abdication. La plupart ne s'en cachent pas. « Il faut bien nous amuser avant le mariage », me disait gaiement une d'entre elles. « Est-ce qu'on sait ce qui viendra ensuite ?» Les procès en divorce, dont les journaux publient de temps à autre le compte rendu, prouve que cette jeune personne avait autant de bon sens que de beauté. Pour ma part, et après avoir regardé de près bien des conditions humaines, je crois que pour un jeune homme de 20 à 25 ans, les chances les plus complètes de bonheur sont d'être un Anglais de bonne famille, achevant ses études à Oxford, et pour une jeune fille d'être née américaine, d'un père qui a fait sa fortune dans les mines, les chemins de fer ou les spéculations de terrain, et d'arriver avec de bons parrains dans la société de New York ou de Washington. Au premier regard, cette liberté absolue donne à toutes les jeunes filles une apparence identique. C'est d'après elle que nos auteurs ont composé le type classique de l'américaine du roman et du théâtre. Nos gens l'ont fabriqué de la façon la plus simple, de très mauvaise manière avec un fond de naïveté. Et voilà la poupée debout. Mais ce n'est qu'une poupée. Et les deux éléments dont ils l'ont faite me semblent également faux. La jeune américaine, quand nous la voyons chez nous, peut nous paraître mal élevée. Parce que nous la comparons au type conventionnel de notre jeune fille à nous, lequel, entre parenthèses, n'est pas non plus très exact. Vu chez elle et de tout près, on se rend compte que cette liberté d'allure s'associe indifféremment à la meilleure et à la pire éducation. Après très peu de temps, vous distinguez parmi elles, et très nettement, celle qui est « fast », comme ils disent, et celle qui ne l'est pas, celle qui se complaît à exciter l'intérêt, à éveiller, à frôler le désir de l'homme, et celle avec qui la familiarité morale, à plus forte raison physique, est impossible. Quant à la naïveté, lorsque nous appliquons ce mot aux jeunes filles, nous autres Français, nous supposons toujours qu'il n'y a pour elles au monde qu'une question, celle de l'amour. Nous admettons implicitement que c'est là l'essentiel de leur existence, comme de toute existence de femme. Nous nous demandons ce qu'elles en rêvent, ce qu'elles en savent, et notre mesure de leur innocence, de leur virginité d'âme, si l'on veut, est tout entière dans la réponse. Il est sous-entendu que leur connaissance des choses de la vie réelle est en accord avec cette unique révélation. Cette mesure n'est pas applicable à l'américaine. Car pour celle-ci, de même que pour l'Américain, cette question de l'amour est d'habitude reléguée à l'arrière-plan. De savoir si elle sera ou non mariée selon son cœur, si elle vivra un roman ou ne le vivra point, ne joue le plus souvent aucun rôle dans sa pensée. Même pour celle qui semble le plus occupée de plaire et qui abuse le plus de la coquetterie physique. L'espèce est plus rare que ne le croient les Français, plus commune que ne l'avouent les Américains. Cette relation avec l'homme représente 9 fois sur 10 un fait de vie sociale. C'est une manière de s'assurer des triomphes d'amour propre, de devenir ce que les journaux appellent « prominent people in society », par l'abondance des adorateurs. Cette coquetterie n'est pas pour elle aussi dangereuse qu'elle le serait ailleurs, à cause de la réserve de l'Américain d'une part, et de l'autre à cause de leur entente profonde du caractère masculin. Elles ont commencé si jeunes de vivre avec les hommes en intimité qu'elles sont à leur égard comme les enfants d'un écuyer de cirque, pouvant être pour des chevaux. Une d'elles me parlant d'une de nos communes connaissances, une Espagnole mariée à Rome et très malheureuse, me disait « elle ne sait pas manier son mari ». She does not know how to manage him. Et elle me racontait comment s'y est prise, au contraire, la rivale de cette femme, pour séduire et garder ce mari infidèle. L'espèce d'innocence avertie que supposent de telles réflexions n'est pas très intelligible pour nous. Un jeune diplomate qui a vécu ici plusieurs années, et à qui je rapportais cette causerie, pour en connaître la valeur exacte, me résumait son impression à lui, qui est sévère par ce mot « elles ont la dépravation chaste ». Il ajoutait à l'appui de son épigramme des anecdotes sur les fiançailles. Les engagements, c'est le terme consacré. J'ai connu, me disait-il, beaucoup de jeunes filles engagées avec des jeunes gens qu'elles n'avaient nullement l'intention d'épouser. Il leur plaisait comme fiancées. Elles n'en auraient pas voulu comme mari. J'en ai connu d'autres qui cachaient des mois durant un engagement sérieux, afin de garder plus longtemps les hommages qui se détournent de l'engage girl. L'engagement pour la jeune fille, c'est 9 fois sur 10 ce qu'elle est à intéressant pour la jeune femme. Elle le dissimule jusqu'au moment où il lui est impossible de ne pas l'avouer. Je ne vois dans ces petits faits que j'ai lieu de croire très vrai, ni la preuve d'une rouerie, ni l'indice d'une perversité. C'est le signe que la jeune fille américaine est avant tout une créature de tête, dressée par nature et par éducation à se tenir en main. Qu'avez-vous demandé à une d'entre elles, un de nos compatriotes, en route pour l'exposition de Chicago, et qui était attardé à New York. Il venait de se trouver 2 dîners de suite à côté de cette jeune fille qu'il sentait singulière. Le second soir est très différente de la veille. « Je suis un peu nerveuse, répondit-elle. Quelqu'un est venu me voir à 5 heures, qui s'est conduit comme je n'aime pas. Je vais être obligée de cesser ma flirtation avec lui. C'est très dommage. Il est so bright a fellow. » Comment traduire ce mot « bright » avec ce que les Américains lui ajoutent de sens, avec ce qu'ils y font tenir d'adaptabilité rapide et de puissance d'effet? Comment se rendre bien compte aussi de ce que pense une honnête fille qui se confie de la sorte à un passant, connu d'hier? Ce sont ces franchises qui me paraissent précisément une preuve d'une simplicité que nous interprétons mal. Pour répondre à ma comparaison de tout à l'heure, je suis sûr que cet enfant n'attachait à la mauvaise tenue que le bright fellow avait eu auprès d'elle pas beaucoup plus d'importance qu'au bon chemin d'un poney qu'elle eut mal conduit, badly managed. Il s'est couronné, on ne pourra plus l'atteler. C'est dommage, he was so bright a pony. Corrompu ou passionné, la fille qui attache une importance extrême aux choses de l'amour, comme en Italie et comme chez nous, ou bien n'en parle pas, ou bien en parle sur un autre ton. Précisément parce que la jeune fille américaine ne fait pas tourner toute son imagination autour des problèmes du sentiment, son caractère comporte des nuances plus nombreuses que celui de ses pareilles d'Europe. Ces dernières attendent, pour se développer vraiment, que leur cœur ait parlé et qu'une influence d'homme ait commencé de les façonner. L'Américaine, elle, existe par elle-même. Elle le sait, elle le veut, elle en est fière. Elle n'a rien de commun avec la Galatée du mythe païen, qui reçoit tout de Pygmalion, depuis l'expression de sa beauté jusqu'à la flamme de son âme. Son individualité est déjà complète quand elle arrive au mariage. Le plus tard possible, ai-je déjà dit, pour peu que ses parents aient quelque fortune. Elle prétend choisir un époux qui les remplace, ses parents commodes, en indulgence et aussi en richesse. Elle ne compte qu'à demi sur la générosité de son père, qui n'est pas obligé de la doter, et qui peut, une fois mariée, réduire sa pension à un chiffre dérisoire. Une d'elles, une blonde aux grands yeux bleus, un peu railleur, de ses yeux où il y a de la tendresse et de l'ironie, avec un nez spirituel, frémissant et impertinent à la fois, me racontait entre 2 sourires de ses admirables dents, où ne brillait pas un point d'or. « Maman dit que l'amour est comme un mal de dents. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu besoin de dentiste. Je n'épouserai qu'un homme riche, très riche. Le reste viendra quand il pourra, ou ne viendra pas. En ce moment, j'ai preneur à 5 millions. Aussi, rien ne presse. Et rêveuse, je voudrais surtout être veuve. J'ai toujours rêvé de prendre mon mari le jour de mon mariage. J'aurai ainsi moins de regrets, le connaissant moins. Je voudrais, le jour de la cérémonie, en descendant de l'église, le voir tomber foudroyé à mes pieds. C'est si gentil d'être une jeune veuve. La moqueuse personne, elle avait 19 ans, se calomniait avec le délice d'une fille spirituelle qui pose devant un romancier français, French novelist. Ces deux mots ont toujours ici un vague attrait de scandale. Son paradoxe ne faisait que charger sa réelle pensée, à savoir qu'elle avait bien le temps de troquer son sort contre un autre. Beaucoup de ses compagnes pensent comme elle. C'est pour cela qu'elles prolongent volontiers leur célibat, jusqu'à 25 ou 26 ans. Dans ces longues années d'une indépendance sans contrôle, chacune se laisse aller à ses goûts, à ses fantaisies, à ses natures, enfin. Que si peu de gêne opprime, il en résulte que les originalités de cette nature se développent avec plénitude. D'innombrables types s'élaborent, ainsi, dont un voyageur de quelques mois ne saurait avoir la prétention de fixer même les plus généraux. Ceux que je vais crayonner ne sont pas les plus heureusement choisis, peut-être. Ils auront du moins ce mérite d'avoir été copiés sur le vif. Le plus naïf de ces types de jeunes filles, et à mon avis le plus attendrissant, pour des raisons que je dirais, c'est la beauté. Il y en a deux ou trois pour chaque ville, et d'une royauté tellement reconnue que vous recevez couramment des invitations rédigées de la sorte « Venez donc prendre le thé demain, après-demain, pour rencontrer Miss... » The Richmond Beauty. J'ai pris Richmond au hasard. À la place, mettez Savannah, Charleston, Albany, Providence, Buffalo, telle cité du nord ou du sud qui vous conviendra. La beauté doit, pour mériter son titre, être belle, en effet, de cet éclat rayonnant qui, dans un bal, dans un dîner, au théâtre, éteint toutes les autres femmes. Il faut qu'elle soit très grande, très bien faite, que les lignes de son visage et de sa taille se prêtent à ces reproductions dont les journaux et leurs lecteurs sont si friands. Il faut aussi qu'elle sache porter la toilette avec cette fastuosité inséparable ici de l'élégance. Une fois reconnue, c'est pour elle, qui n'a quelquefois pas plus de 20 ans, l'entrée dans une espèce d'existence officielle, presque civique. Son nom s'imprime tout seul dans les colonnes des feuilles consacrées au social gossip, dont les ouvriers l'ont déjà composé souvent. Elle fait partie des grands dîners et des grands bals, comme les roses à $1 pièce et le champagne brut. Sa ville ne lui suffit pas, ou plutôt elle ne remplirait pas sa mission si elle n'allait représenter cette ville à New York, à Washington, à Newport, dans tous les concours hippiques, toutes les régates, toutes les courses où la société américaine défile comme au théâtre. Elle est en effet une actrice du monde, et dans cet ordre, un champion, elle aussi, comme un maître de billard ou d'échecs, soyons plus nobles, comme un pugiliste, comme Jim Corbett, le Californien. Pour que son succès soit complet, il est nécessaire qu'elle aille concourir abroad et tenir à Paris, à Londres, à Rome, son premier rôle de salon. Quand elle est revenue d'Europe avec sa moisson de laurier, elle ne désarme pas encore. Il y a du record dans ses triomphes, et le jour où elle sera vraiment incontestablement dépassée par une rivale, il en sera d'elle comme du boxeur de Boston, de l'infortuné J.L. Sullivan, qui ne compte plus depuis qu'il a été une fois vaincu, comme du Teutonic ou du Majestic depuis que la Campania est arrivée d'Europe, en 5 jours, 12 heures, 7 minutes. Les autres avaient mis 5 jours, 16 heures et quelques minutes. C'est fini, ils appartiennent au passé. La beauté a derrière elle, pour soutenir les dépenses folles d'une existence toujours parée, un père que le plus souvent on ne voit jamais, qui partage sa vie entre son office, son club et, quelquefois, dans certaines villes, le bar du plus grand hôtel. Sa fille, à laquelle il sert un revenu qui suffirait à des trousseaux de princesse, lui tient au cœur par des sentiments complexes, où il entre moins d'affection que d'orgueil. Il reste des saisons entières sans la voir lorsqu'elle voyage de l'autre côté de l'océan. Même quand elle est aux États-Unis et à la maison, les repas qu'il prend avec elle peuvent se compter. Il l'aime pourtant, mais par une de ces espèces de déplacements, par une projection de sa personnalité, comme Balzac en a décrit une avec le défaut de son grossissement habituel, quand il a montré l'amitié de Vautrin pour Lucien de Rubempré. « Il était mon moi brillant et jeune, » dit le forçat. « Je passais son habit, je montais dans son tilbury, j'entrais dans les salons avec lui du fond de ma chambre. » Il est probable que l'homme d'affaires, en train de peiner sur des projets de chemin de fer et sur des organisations de manufacture, accompagne sa fille d'une imagination analogue. C'est son argent qui marche, cette jeune fille, c'est-à-dire sa volonté. Son travail, ce qu'il a de plus intime en lui-même. Soit qu'il la marie à quelque noble italien, anglais ou français, soit qu'il la refuse à ce même noble. La vanité du père américain revêt l'une et l'autre forme. Elle lui sert à se prouver sa puissance. Il a cette fille comme il a un immeuble de 20 étages qui porte son nom, une galerie de tableaux mentionnés dans le guide, comme il a ses stocks aussi. « Je connais ma valeur sociale », me disait une de ces jeunes filles. « I know my social value ». Elle parlait d'elle-même comme une action du New York central ou du Chicago, Burlington, Quincy. Une valeur sociale, c'est probablement la meilleure définition de cette créature singulière, dont l'existence consiste, en pleine démocratie, à subir autant d'étiquettes figuratives que si elle était la demoiselle d'honneur d'une princesse, ou princesse elle-même, dans une cour toujours en fête. À propos d'une d'elle dont la santé s'en allait parmi ses victoires mondaines et qui en est morte, une femme très fine a jeté devant moi ce mot auquel je n'ajouterai rien, tant il me semble exprimer ce que comporte de mélancolie l'outrance d'un sort pareil. J'avais toujours envie de la plaindre de ses toilettes. Un second type, moins rare que la beauté professionnelle, mais pourtant moins commun que beaucoup d'autres, c'est la jeune fille Haïdé, qui se subdivise en deux groupes, la convaincue et l'ambitieuse. Comme à la beauté, cette fille mène la vie mondaine avec l'espèce d'abus qu'il est si malaisé d'éviter en Amérique. Elle aussi figure dans le défilé quotidien du carnaval fashionable. Seulement, elle n'y est pas chef de file comme l'autre. Elle n'a pas obtenu ce succès incontestable et quasi mécanique. D'ailleurs, elle ne le recherche point. C'est une fille qui s'est fixée à elle-même un programme particulier, et elle est en voie de l'exécuter avec une persévérance que rien n'arrêtera. Quelquefois, c'est le cas de la convaincue, ce programme est d'un ordre tout moral et d'une grande hauteur. Elle se sera dit, par exemple, que le mariage étant un contrat, l'homme doit y apporter la même loyauté que la femme, la même pureté du passé, la même innocence, et elle ne veut se fiancer qu'avec quelqu'un qui n'ait pas plus de souvenirs qu'elle n'en a. Cette rigidité puritaine de conscience serait étrange dans un tel décor de frivolité si vous ne vous rappeliez qu'un atavisme constant d'ardeur religieuse circule dans ses descendants des proscrits de la Mayflower et des compagnons de peine. D'autres fois, la fille Haïdé s'est proposée de jouer un rôle dans la politique. Il faut pour cela deux choses. Qu'une personne qui la touche de près occupe une haute fonction. Elle y travaille. Qu'elle-même ait le talent de diriger ou d'aider cette personne. Elle y travaille aussi. C'est l'originalité toute américaine de son caractère. Elle est une réaliste et elle veut avoir la réalité du pouvoir, dont elle aura les apparences, soit par un père, soit par un frère, soit par un mari. Elle peine pour que les deux premiers soient sénateurs, députés, ambassadeurs. Elle peinera pour que le troisième occupe quelques situations semblables, peut-être pour qu'il réside à la White House, et elle peine en même temps pour être, au jour donné, un admirable instrument d'action au service de ce sénateur, ou de ce député, de cet ambassadeur ou de ce président, apprenant elle-même la politique et l'administration, suivant les séances des assemblées, le jeu de la machine électorale, les complications de l'échiquier européen. Celle-là est convaincue à la fois et ambitieuse. En voici une autre qui n'est qu'ambitieuse. Elle a décidé avec elle-même que son nom serait inscrit dans le livre d'or du peerage anglais et qu'elle épouserait un lord. Elle s'y prépare depuis bien des années, ne laissant perdre aucune occasion de se rattacher à la haute société anglaise, en attendant qu'elle vainque l'obstination de son père, systématiquement opposé à un mariage international, par jingoïsme. C'est l'équivalent anglo-saxon du chauvinisme français. Et par raison, tant de ces unions ont eu de tristes lendemains. N'importe, la jeune fille arrivera à grossir la petite phalange des pairesses américaines, la nerveuse tension de son regard m'en est garante, ainsi que le pli décidé de sa bouche, et que la vigueur de son menton. Et lors de son entrée dans l'Olympe britannique, elle n'aura rien à apprendre, ni des gens, ni des usages. Elle, dont le grand-père a commencé par retenir un petit restaurant dans le Chicago d'avant l'incendie. Lorsque l'ambitieuse est plus médiocre, et surtout lorsqu'elle est moins riche, elle devient volontiers la bluffeuse. Pour emprunter de nouveau ce terme significatif au jeu national du poker. Cette dernière est partie pour l'Europe l'année passée, avec l'idée très ancrée dans sa jolie tête brune de jouer à quelques jeunes hommes riches de là-bas, le tour que tant d'aventuriers européens sont venus jouer à des jeunes filles riches d'ici. Quoi de plus équitable? La fortune de son père, elle le sait, ne tiendrait pas à une liquidation. Elle sait aussi que tout le monde le sait autour d'elle, et que les fêtes retentissantes données dans leur maison de la 5e avenue ne trompent plus personne. La bluffeuse s'est dit qu'à Londres et à Paris, sa beauté produirait une sensation, qu'elle tournerait bien une tête naïve, et que l'épouseur prendrait pour le signe de millions authentiques son luxe, ses toilettes, sa qualité surtout d'américaine en voyage. Elle avait d'illustres exemples de bluff pareils et qui ont réussi. Malheureusement, elle est tombée sur un jeune homme qui, lui aussi, ruiné jusqu'à la corde et réduit aux expédients, quoique très élégant et très lancé, se proposait de bluffer une riche étrangère. Les deux comédiens se sont trompés l'un l'autre, et le jeune homme venu à New York pour faire sa demande est reparti après des explications qui ont dû être de la bouffonnerie la plus délicieuse. Ces vaudevilles-là n'ont malheureusement pas de spectateurs.